Question 30. Je freine. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe au point mort. Oui, réponse C. Non, réponse D.